Italian idea to play a song, maybe. Les titres guitare, il est où là? Un petit papa, trouvé à personne. Des fois, il y a des musiciens qui sont au taquet, qui voudraient qu'on joue parfois au BPI, au BPM. Sortez les lassos, youhou! It sounds very nice. Para pop pop pop para pop. Thank you.